qu'est-il devenu ? Je veux parler de l'un des plus grands criminels de guerre de la Seconde Guerre mondiale, le chef tout-puissant de la Gestapo, l'homme qui est donc directement responsable de toutes les atrocités commises par cette police politique qui a envoyé juifs et tziganes vers les camps d'extermination et résistants dans les camps de concentration. Heinrich Müller, un dirigeant nazi qui prenait soin d'éviter les objectifs des photographes et qui a mystérieusement disparu à la fin de la guerre. Encore plus étrange, il ne semble pas que les Alliés se soient acharnés à découvrir s'il était encore vivant ou s'il avait succombé dans les ruines de Berlin. Que dissimule ce peu de curiosité ? Quel secret cache-t-il ? Monsieur X tente de répondre une plongée dans l'univers glauque des services de renseignement où réalisme et cynisme l'emportent toujours et au bout une vérité stupéfiante. Car Gestapo Müller, comme il aimait à se faire appeler, tant il s'identifiait à ce monstrueux instrument de terreur, jouait sans doute un double jeu. Ce pourvoyeur des camps de la mort était aussi un traître. Le 28 avril 1945, Heinrich Müller se trouve encore dans le bunker d'Hitler construit sous la chancellerie à Berlin. Il en sort le lendemain. Ensuite, bah, là, c'est le mystère. Mais tout se passe comme si on essayait d'accréditer l'idée que Gestapo Müller aurait trouvé la mort au cours des violents combats qui se déroulaient dans les ruines de la capitale du Troisième Reich. Mmh. Attendez, on là, c'est qui ? Bah, un peu de patience. Vous voulez toujours aller trop vite, bah, oui. Mon cher. Enfin, un peu plus tard, à la fin de l'été, un nommé Ludos affirme aux autorités américaines qu'il a découvert plusieurs cadavres au mois de juin, dont celui d'un homme en uniforme de général SS et qui portait des papiers d'identité au nom d'Heinrich Müller. Mmh. Et Müller avait effectivement le grade de général ? Oui, oui, ce Ludos affirme être en mesure de retrouver la tombe où il a enterré le général. Des fouilles sont ordonnées, un cadavre est bien trouvé, un cadavre qui porte les décorations de Müller. Ah, quand même, oui. Mais problème, le cadavre ne correspond pas aux mensurations du chef de la Gestapo. Ensuite, et pour vous faire plaisir, je vais aller vite, on assistera à plusieurs événements curieux. On prétend, par exemple, que Müller s'est suicidé avec sa femme et ses filles. Mais son épouse et l'une de ses filles sont retrouvées bien vivantes. En effet. En fait, il y a eu confusion avec un autre général qui portait le même nom. Et ouais, puis les Müller sont nombreux en Allemagne. Hein. Et plus tard, enfin beaucoup plus tard, on trouve à Berlin un registre d'état civil qui porte mention de la mort de Gestapo Müller. Et peu après, une inconnue commande une dalle funéraire où l'on peut lire à notre bien-aimé père tombé à Berlin en 1945. Sa fille ? Non. Mais cette tombe est fleurie chaque année. Curieux quand même. Ouais. Enfin, au début des années 60, après de nouvelles rumeurs, les autorités berlinoises décident de faire ouvrir cette tombe. On y trouve trois squelettes, mais aucun ne correspond à la stature de Müller. Un dernier fait étonnant. Luders, l'homme qui le premier a affirmé avoir enterré le chef de la Gestapo, s'est volatilisé. Même son dossier, qui aurait dû se trouver dans les archives de Berlin, a disparu. Étrange, en effet, mais... Alors, qu'en concluez-vous, vous ? Bah, manifestement, quelqu'un, après avoir tenté de démontrer que Müller était mort, a tout fait pour entretenir la plus grande confusion sur le sort de l'ancien responsable de la Gestapo. Mais la vérité, enfin, une partie de la vérité, en tout cas, émergera à la faveur du passage à l'ouest d'un important agent des services secrets polonais. Nous allons bien sûr voir cela dans le détail, mais auparavant, quelques mots sur l'homme, si vous voulez bien. L'homme Müller, oui. Oui. Je vous écoute, alors. Heinrich Müller est né au tout début du siècle. Apprenti mécanicien chez BMW, il travaille sur les avions de combat. Et devenu pilote, il participe au dernier combat des escadrilles allemandes. Puis c'est le chômage. Mais dans le chaos qui règne dans l'Allemagne de l'après-guerre, le jeune homme trouve sa voie. Il s'engage dans la police munichoise. Là, visiblement très doué pour ce métier, il commence à grimper les échelons. Il a en particulier une très bonne mémoire, un vrai fichier ambulant. Sur le plan privé, il fait un beau mariage en épousant la fille d'un riche imprimeur bavarois et qui finance un parti politique anti-nazi. Et ça se passe donc à peu près à l'époque où le parti d'Hitler prend son essor. Hein. Oui, et la Bavière va devenir un fief nazi. Mm-hmm. Alors, lui-même, Müller, là, sur le plan politique... Oh, bon, il ne veut pas s'engager. Seul compte pour lui la progression de sa carrière. Et quand ses chefs lui demandent de surveiller le parti nazi, il accepte sans état d'âme. Un détail qui compte pour la suite de cette histoire... Müller s'absente régulièrement et il refuse de dire où il va. Mais je suis sûr que vous avez une idée. On a prétendu plus tard, et pas n'importe qui, le maréchal Tito en personne, que ses voyages l'auraient conduit à l'Est. À l'Est, en URSS, vous voulez dire ? Très possible, oui. Enfin, poursuivons. La chance de sa vie, si j'ose dire, se présente en 1931. On lui confie l'enquête sur le suicide d'une jeune fille, Gali Robal, qui n'est autre que la nièce d'Adolf Hitler. Le Führer, vous le savez sans doute, avait une sexualité bizarre et perverse. Il semble qu'il entretenait des rapports très particuliers avec sa nièce. Ouais, enfin, est-ce que ça veut dire que le suicide n'en était pas un ? Vraisemblablement, car ceux qui ont vu le corps de la jeune fille ont noté qu'elle présentait des marques de coups. Aussi, les nazis ont tout intérêt à ce que l'affaire soit vite étouffée, et deux hommes en particulier y veillent, Heydrich et Bormann. Ouais, Heydrich, qui sera plus tard le chef des services de sécurité du Troisième Reich. Le SD, oui. Et Bormann, qui deviendra le collaborateur le plus proche du Führer. Que s'est-il passé ? À vrai dire, je n'en sais rien, mais le policier qui la veille encore espionnait le parti nazi accepte de classer le dossier de Gali Robal. Et grâce à l'appui des amis d'Hitler, Müller devient inspecteur-chef. Et bientôt recruté par Heydrich, il sera chargé d'une section qui traque les communistes. C'est lui aussi qui proposera de créer une division de la police politique à l'intérieur du camp de concentration de Dachau. Et dans quel but alors ? Recruter des mouchards contre une promesse de libération. Ouais. Un homme très efficace. Notablement efficace et qui avance dans la vie à grands pas. Dès 1934, Heydrich le choisit comme adjoint et lui confie le département 4 de l'Office de sécurité du Reich, c'est-à-dire la Gestapo. Une police politique, donc. Et qui va se donner pour première tâche de truffer la société allemande d'indicateurs à tous les niveaux. Heinrich Müller aura aussi naturellement sa place dans l'organisation de la nuit des longs couteaux. Ouais, c'est-à-dire la liquidation des SA. Müller est donc déjà l'âme damnée de Rainer Heydrich. On ne sait pas trop quels sont leurs liens exacts. Certes, Heydrich est son supérieur. Toutefois, il est presque certain que Müller tient le chef du SD. Mais comment, là ? Müller, qui est un excellent flic, a découvert que par sa mère, Heydrich a du sang juif. Tard, impardonnable pour un dirigeant du Troisième Reich. Et qui pourrait donc conduire à sa déchéance. Donc, Heydrich n'a rien à refuser à son subordonné. Il faut d'ailleurs remarquer que Müller poursuit son irrésistible ascension au sein du régime hitlérien. Conseiller du gouvernement, conseiller d'État pour les affaires criminelles, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Et pourtant, il tardera à s'inscrire au parti nazi. Ça prouve bien que la seule protection d'Heydrich et aussi celle de Bormann suffisent à lui assurer ses promotions successives. Et puis également le fait, bien entendu, que grâce à son réseau d'indiques, il sait beaucoup de choses. Sur les dirigeants nazis aussi alors. Forcément. En 1937, il joue un rôle éminent dans la manipulation qui va aboutir à la liquidation du maréchal soviétique Tkachevski. Celui qu'on a appelé le Bonaparte rouge. Oui, en faisant parvenir par la bande de faux documents à Staline, les nazis précipitent la chute et l'exécution du plus gradé des officiers soviétiques. Il en résultera également une épuration sans précédent de l'armée rouge. Staline a-t-il été dupe ? Ça c'est autre chose, mais c'est vrai que de toute façon il désirait se débarrasser de Tkachevski. Qui pouvait devenir un rival dangereux, très populaire dans l'armée. Donc, au fond, Müller et ses sbires lui ont facilité la tâche. Enfin, passons. Chef de la police politique, Müller est presque naturellement chargé de la question juive. Toutefois, il crée une sous-section uniquement chargée de cette tâche, le Bureau pour l'émigration juive. Quel euphémisme. Vous avez raison. À cette époque, c'est-à-dire en 1938, la décision d'exterminer les juifs, nous en avons récemment parlé, n'est pas encore prise. Ouais, mais Hitler l'a déjà évoqué dans Mein Kampf. C'est exact. Quoi qu'il en soit, la responsabilité de cette sous-section de la Gestapo est confiée à Adolf Eichmann. Eichmann qui va donc travailler sous les ordres de Müller. Et ce dernier aura donc une énorme responsabilité dans la Shoah, même s'il s'est déchargé sur Eichmann. En outre, vous n'ignorez pas, la Gestapo sera très active dans les rafles de juifs et les appropriations de biens juifs. Un an après la création de cette section, qui sera en charge de l'exécution de la solution finale, Müller et son complice Heydrich orchestrent la provocation qui va justifier l'invasion de la Pologne. Oui, un incident à la frontière. Oui, l'attaque simulée d'une station allemande de radio. À noter que cette provocation, qui est l'acte déclencheur de la Seconde Guerre mondiale, a été montée sans même que le service de renseignement de l'armée, l'Abwehr de l'amiral Canaris, ait été mis dans le secret. Et ça, c'est très significatif. Pourquoi, non ? Bon, parce que la Gestapo en général, les Müller en particulier, se méfieront toujours de la mère. Pourquoi ? Pas assez nazi, hein ? C'est ça, oui. Et comptant en son sein des officiers qui n'approuvent pas les méthodes de la Gestapo. Ces mêmes officiers dont certains participeront en 1944 à la préparation de l'attentat contre Hitler. Mmh. Alors, si je vous entends bien, il y aura donc toujours rivalité entre les deux services. Absolument. Mmh. Je crois vous en avoir parlé. La Gestapo finira par triompher du service de Canaries. En attendant, Müller continue à progresser. En 1940, il est promu général de brigade dans les SS. En 1941, après l'invasion de l'URSS, il s'occupe de la formation des Einsatzgruppen. Mmh. Oui, c'est le commando d'assassins là, qui, derrière la ligne de front, extermine les juifs, ukrainiens, russes, etc. Par centaines de milliers, oui. Mmh. Et en guise de récompense, il est élevé au grade de général de division. Et enfin, à partir du printemps 42, il devient le détenteur de tous les pouvoirs de police à l'échelle continentale. Il supplante ainsi le haut commandement de la Wehrmacht. Mais à l'été de cette même année, son supérieur, Reinhard Heydrich, trouve la mort dans un attentat en Tchécoslovaquie. Müller doit vite se trouver un autre protecteur, un homme qui soit aussi proche d'Hitler que possible. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le physique de Müller a inspiré ces quelques lignes à Pierre de Villemarais, ancien agent français et journaliste, auteur d'un récent livre, Le dossier Saragosse, où il est beaucoup question de Gestapo Müller. Au début des années 30, Müller a déjà le physique qu'on lui connaîtra 10 ans plus tard en Allemagne et dans toute l'Europe, même s'il est de ceux qui, comme Bormann, fuient au maximum les photographes. D'autres chefs nazis plastronnent devant la presse. Müller se dérobe. Visage anguleux, des yeux perçants qui fixent l'interlocuteur, bouche en lame de couteau, nuque rasée, apparence soignée, une certaine cordialité. Mais brusquement, son affabilité, s'il a piégé quelqu'un ou senti qu'il domine, fait place à une voix tranchante et un regard de tueur. C'est ainsi que me l'ont dépeint le commodore Wichmann, Otto Wagner ou encore Paul Leverkun, qui fut le haut responsable de l'Abwehr en Bulgarie. Le livre de Villemarais a été publié aux éditions Lavoisel, j'y reviendrai. C'est Müller en personne qui conduit la répression après la mort de Reinhard Heydrich. Une répression sanglante, impitoyable. Et avez-vous dit, il se cherche un nouveau protecteur? Ah, c'est d'autant plus urgent que l'homme qui remplace Heydrich, Schellenberg, ne l'apprécie guère. Et Gestapo Müller pense bien sûr en priorité à Bormann, secrétaire particulier de Hitler et chef de la chancellerie. Ouais. Bormann qu'il a rencontré pour la première fois lors de l'enquête sur le pseudo-suicide de la nièce du Führer. Oui, ça crée des liens entre les deux ben hommes, oui. Qui ont par ailleurs d'autres raisons encore plus secrètes d'être proches. Enfin, ça, on en reparlera, si vous voulez bien. Mm-hmm. Venons-en donc à la grande affaire qui va occuper durablement Müller pendant la guerre. Une affaire qui permet sans doute de comprendre qui était le vrai Müller. Alors, quelle affaire ? Pas celle du réseau de l'Orchestre Rouge. Ce sont les Allemands qui l'ont baptisé ainsi. Et à cause des radios qu'on appelait alors des pianistes. Exactement. C'est ça, ouais. Et Rouge, bien sûr, parce qu'il renseignait Moscou. Un détail important, d'ailleurs, c'est l'Abwehr, et non la Gestapo, qui mettra au jour l'existence de ce réseau. Mais comment alors ? Bah, grâce aux écoutes des émissions radio. Alors, donc, c'est le service rival qui, le premier, c'est ça. Hein. Mais Müller va faire tout son possible pour que le dossier lui soit confié. Parce qu'il estime que cette affaire ressort de son autorité de grand policier du Troisième Reich. Ah bah, c'est en tout cas l'argument qu'il développe dans les cercles dirigeants du nazisme. Mais Himmler, qui supervise alors tous les organes de sécurité, s'y oppose. Alors, Müller fait donner Bormann. Et il obtient satisfaction. Et ça n'était pas une mince victoire. Mais si je vous entends bien, là, il a donc dû se bagarrer pour obtenir de traiter lui-même cette affaire. C'est juste, oui. Alors, pourquoi cette assistance ? C'est peut-être l'une des clés de notre histoire. Alors, un petit peu de patience. Pour démanteler ce réseau d'espions à la solde des soviétiques, Müller s'entoure d'une bonne vingtaine de policiers aguerris. Il forme ce que l'on appelle alors un Sonderkommando. C'est-à-dire un commando spécial qu'il dirige lui-même. C'est dire l'importance qu'il attache à cette affaire. Et il obtient des résultats ? Oui. Une bonne centaine d'espions sont démasqués et interrogés. En Allemagne, mais aussi en France. À Paris en particulier, Müller fait arrêter le chef de l'Orchestre Rouge pour la partie occidentale du réseau. Oui, Léopold Trébert. Hein, oui, un agent du Comintern, qui a déjà derrière lui une longue expérience de militant clandestin. J'ajoute que la plupart des membres du réseau, surtout ceux qui sont allemands, sont envoyés très rapidement à la mort. Oui, par Trébert. En effet, car Müller a une idée derrière la thèse. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire, ce qu'on a appelé le grand jeu. C'est ça, oui. C'est-à-dire l'utilisation des pianistes et des émetteurs de l'Orchestre Rouge pour intoxiquer l'ennemi. Une opération très délicate, tant sur le plan technique que tactique. Peut-être savez-vous, c'est assez étonnant, que chaque opérateur radio a un toucher singulier. Par conséquent, celui qui réceptionne son message peut être alerté s'il ne reconnaît pas sa patte. Ensuite, le contenu des messages. Pour être crédibles, ils ne doivent pas seulement être constitués de fausses informations. Ouais. C'est-à-dire qu'on y glisse quelquefois au milieu de vrais renseignements. Eh oui, et quitte parfois à subir des pertes. Le succès du grand jeu est à ce prix. Mais ça ne va pas sans poser de problème. Car l'état-major de la Wehrmacht, et bien sûr l'Abwehr, n'apprécie guère que Müller pille leur dossier pour nourrir son grand jeu. Et le comportement du chef de la Gestapo va susciter les premières interrogations. Même si bien entendu, personne n'osera faire état de ses soupçons. Trop dangereux. Naturellement. Alors, soyez plus précis sur ces soupçons. Ils sont de trois ordres. Fin 42, dans un rapport adressé à Hitler et Himmler, Müller affirme que l'Orchestre Rouge a été entièrement démantelé. Or, ce n'est pas l'avis de l'Abwehr, qui soutient au contraire que certains éléments du réseau existent encore. Deuxième interrogation. Il apparaît que Müller a effectué une sorte de tri entre les membres de l'Orchestre Rouge qui ont été démasqués. Il y en a un tri. Oui, quelques-uns ont été épargnés, alors que la majorité a été condamnée à mort et exécutée. Mais ces survivants-là ont peut-être été retournés par Müller. Certains, oui, mais pas tous. Alors, qu'est-ce qui légitime ce tri? Et enfin, troisième interrogation, la plus grave, Léopold Trepper s'évade à l'automne 1943. Dès ce moment, il est sûr que Moscou va être informé de l'existence du grand jeu. À condition que Trepper puisse communiquer avec Moscou. Hein. Ça lui est possible. Il a des contacts avec l'appareil communiste clandestin. En France? Oui. Or, Müller et son complice Bormann décident pourtant de continuer le grand jeu comme si de rien n'était. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Il n'y a qu'une explication. Gestapo Müller ne désinforme plus, il informe. Il informe Moscou, quoi. Il trahit. Je pense. Ça signifie que le vrai maître du grand jeu se trouve à l'Est. Les personnes en Allemagne, alors, ne s'en rendent compte. Je pense qu'à l'Abwehr, on ne doit pas être dupe. Mais Müller est protégé par Bormann, qui jouit toujours de la confiance du Führer. Par conséquent, il est intouchable. Trois questions, là. Müller a durement frappé l'Orchestre Rouge, hein, même si, vous avez dit, il a épargné certains de ses membres. Ouais. Bon, s'il avait réellement parti lié avec les Soviétiques, aurait-il été aussi impitoyable? Certainement. Dans une guerre, il faut parfois sacrifier quelques bons soldats pour en sauver d'autres. Enfin, pour ne pas être soupçonné par l'Abwehr, Müller se devait de faire preuve de la plus grande férocité. Ça me paraît quand même extravagant. Hein. Pas tant que ça. On est en 1943, je vous le rappelle. Et Müller, comme Bormann d'ailleurs, sont bien placés pour savoir que le vent a tourné. Ce sont maintenant les alliés qui ont la main et volent de victoire en victoire. Donc Müller trahirait parce qu'il pense que le Troisième Reich va perdre la guerre? Et qu'il pense déjà à l'avenir, son avenir, je veux dire. Mais je vous rappelle, ce que vous avez dit précédemment, hein, Müller aurait peut-être été en contact avec les Soviétiques avant même la guerre. C'est très possible, mais je n'en ai pas la preuve. Alors Müller aurait été un agent soviétique? Je n'ai pas dit agent. Disons plutôt que Müller et son complice Bormann jouaient une partie politique. Et s'ils informaient Moscou, c'était d'abord pour sauver leur peau, mais aussi pour avoir leur place dans le nouvel ordre de l'après-guerre. Est-ce qu'ils ne se faisaient pas des illusions? Sans doute. Miser sur Staline, un homme qui n'avait pas hésité à se débarrasser physiquement de ses compagnons les plus fidèles, c'était, à mon avis, en effet, assez hasardeux. Mais Müller, en particulier, éprouvait une sorte de fascination pour le bolchevisme et le régime qui avait été instauré en URSS, le NKVD, c'est-à-dire l'ancêtre du KGB, lui semblait être un modèle de police politique. Dans le genre, la Gestapo n'était pas mal non plus. Oui, hein. Vous avez raison. Quoi qu'il en soit, on aura beaucoup plus tard, au début des années 60, une confirmation de ce que je vous ai dit. Ce transfuge polonais là, que vous avez évoqué? Oui, un nommé Goloniewski, nom de code de sniper pour la CIA. Les Américains organisent son exfiltration en 1961, je crois. Et cela se déroule, bien sûr, à Berlin. En passant de la zone soviétique à la zone américaine. Oui, cet homme, très lié au KGB, va d'emblée faire des révélations fracassantes. Monsieur X a parlé de la fascination qu'exerçait sur Müller le système soviétique. J'en ai trouvé confirmation dans le livre déjà cité de Pierre de Villemarais, Le dossier Saragosse. L'ancien agent de renseignement se réfère aux mémoires du patron de Müller, l'homme qui a succédé à Heinrich, Walter Schellenberg. Ce dernier écrit « J'ai commencé à sérieusement mettre en doute la sincérité de son travail contre la Russie à la suite d'une longue conversation que nous eûmes au printemps 1943 à la sortie d'une conférence avec les attachés de police résidant à l'étranger. » Müller avec qui j'étais de plus en plus en inimitié ouverte, s'était montré ce soir-là particulièrement correct et courtois. Je crus, car il était fort tard, qu'il était gris, quand il commença à me parler de l'orchestre rouge. Il s'était occupé de certains cas de trahison, de leurs motifs et du milieu intellectuel dont ils étaient issus. « Je pense, avait dit Müller, que vous estimerez comme moi que l'influence soviétique en Europe occidentale ne se fait pas sentir uniquement dans les classes laborieuses, mais prend aussi racine dans les milieux cultivés. À mon avis, il s'agit là d'un développement inévitable, historique, surtout si l'on considère l'anarchie spirituelle de notre culture occidentale, y compris l'idéologie du Troisième Reich. Le national-socialisme n'est qu'une sorte de tas de fumier dans ce désert spirituel. En revanche, chacun peut voir que se développe en Russie une force spirituelle et biologique réellement pure. Alors, des révélations fracassantes, avez-vous dit. Oui. Goloniewski commence par affirmer que l'appareil d'État nazi était largement infiltré par les soviétiques. Ensuite, il révèle qu'un réseau ultra-secret d'anciens nazis, le réseau HAK, mis en place par Bormann avant même la fin de la guerre, a permis à beaucoup de criminels de guerre d'échapper à la justice et même de prospérer en Amérique du Sud. Mais ça, nous en parlerons peut-être un jour. Mm-hmm. En tout cas, Goloniewski ne raconte pas d'histoire, car il donne aux services occidentaux le nom de plusieurs agents doubles travaillant pour les soviétiques. Qui, hein? Bon, des espions britanniques comme George Blake ou encore Hans Felfe, chef du contre-espionnage du service de renseignement ouest-allemand. Et aussi Israël Baer, l'espion de Ben-Gurion. Mais surtout, Goloniewski affirme que le policier numéro 1 du Troisième Reich, Müller, était un collaborateur des soviétiques et qu'il a été recruté en 1943. C'était, dit-il, le principal informateur des services soviétiques. Oui. Mais est-ce qu'il sait, lui, ce Goloniewski, là, ce qu'il est devenu? Le Polonais est persuadé que Müller est passé à l'Est, tout juste après l'entrée de l'armée rouge dans Berlin. Il faut d'ailleurs noter qu'au même moment, c'est-à-dire au début des années 60, les services secrets israéliens interrogent l'adjoint de Müller, le sinistre Eichmann, qui a été enlevé par le Mossad. Et Eichmann confirme les propos de Goloniewski. Ouais. Alors, il paraît assez bien établi que Müller a été récupéré par les soviétiques. Et ça explique l'attitude du chef de la Gestapo dans les tout derniers moments du Troisième Reich. Par exemple. Eh bien, alors que tout s'effondre autour de lui, Müller semble extraordinairement calme et même souriant. Comme s'il ne craignait rien. Exactement. Pourtant, en principe, il figure sur la liste des plus grands criminels de guerre. Mais il sait que ses amis soviétiques ont déjà organisé sa fuite à travers les lignes de l'armée rouge. Bon. Si on veut. Mmh. Ensuite, que devient-il? Dans le plus grand secret, il rejoint l'homme qui était à l'Est le véritable chef du grand jeu, le général Abakumov, responsable du contre-espionnage soviétique, un protégé de Staline. Je veux bien, mais à quoi peut lui servir maintenant Müller? Un policier expérimenté comme Müller est plein de ressources. Il peut, par exemple, trier parmi les centaines d'officiers allemands capturés ceux qui peuvent rendre service. C'est-à-dire? Il y a d'abord ceux qui sont susceptibles d'encadrer la police et l'armée de la future Allemagne de l'Est. Mais il y a aussi ceux qui peuvent être idéologiquement retournés et qu'on utilisera pour infiltrer les services secrets ouest-allemands. Ils seront d'autant mieux accueillis au BND du général Galen que celui-ci ne refusera jamais d'engager des ex-nazis. Oui. Ouais. Résultat, la pénétration soviétique des services allemands sera considérable. Oui, donc, Müller est très utile. Je parle même pas de son activité de formateur. Ah oui, formateur. Et l'intérêt profond de Müller. Je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure. Gestapo Müller ambitionne de devenir l'un des grands flics du régime. Grâce à Abakumov, qui en 1946 est nommé ministre de la Sécurité d'État et réunit sous sa coupe tous les services de renseignement. Donc pendant plusieurs années, Müller vit grassement à Moscou, dans les installations où ont été regroupés ses futurs recrues. Selon le tableau, sa présence en Union soviétique doit être entourée du plus grand secret. Ouais, à cause de ses activités passées. Bien sûr. Ouais. Il serait très malvenu qu'on apprenne à l'Ouest que l'un des responsables du plus grand crime jamais commis était en réalité un homme de Staline. En effet, mais le secret pouvait-il être très longtemps gardé? Il a pratiquement été jusqu'aux révélations de Goloniewski. Pourquoi ce pratiquement-là? Parce que quelques prisonniers de guerre allemands libérés par les soviétiques ont prétendu avoir aperçu Müller en URSS. Mais on n'a guère accordé l'importance à leur témoignage. Et à vrai dire, je trouve qu'on a guère été curieux au sujet de Müller. Comment expliquez-vous ça? Certains savaient, peut-être. des hommes ou des services qui auraient pu avoir tout à craindre de la réapparition de Gestapo Müller, allez savoir. En tout cas, sa vie douillette prend fin en 1951. Pourquoi? Son protecteur, le général Abakoumov, est limogé par le tout-puissant clan Beria. Récupéré un temps par son successeur Krotkov, Müller se sent néanmoins sur la sellette. Et lorsqu'il apprend qu'Abakoumov a été fusillé, il n'hésite plus et décide de fuir l'URSS. Pas facile, hein, quand même. Certes, mais enfin, ses fonctions l'amènent très souvent à séjourner en Allemagne de l'Est. De là, il a dû passer à l'Ouest. Puis, comme tant d'autres nazis, il a pris la direction de l'Amérique du Sud. Mais à partir de ce moment, son existence est devenue singulièrement compliquée. Allez, expliquez ça. Même si, je vous l'ai dit, on a guère fait beaucoup d'efforts à l'Ouest pour le retrouver, Müller était quand même à la merci d'une mauvaise rencontre. Hein. Quelqu'un qui l'aurait reconnu, par exemple. Et il pouvait aussi craindre une action du Mossad. Oui, qui en livra plus tard son adjoint, Eichmann. Hein. Oui, mais à mon avis, le vrai danger pour Müller venait de l'Est. À Moscou, on était furieux. Et on était donc décidé à tout faire pour récupérer le fuyard. Bien entendu, parce que non seulement Müller était susceptible de compromettre les soviétiques en racontant comment il avait été engagé par eux. Oui, lui, le criminel de guerre. Hein. Oui, mais il était aussi au courant de nombreux secrets. Tous ces ex-nazis passés au service des soviétiques et qui avaient infiltré les renseignements occidentaux. Par conséquent, il était très dangereux de le laisser courir dans la nature. Après tout, il avait déjà trahi une fois. Alors pourquoi pas une seconde? Les Américains, en particulier, auraient été ravis de recevoir ses confidences. Alors, pourquoi ne l'a-t-il pas fait, hein? Les services états-uniens ont bien utilisé un Barbie. Hein? C'est vrai, d'accord. Mais Müller, c'était quand même un autre calibre. Et si Staline avait pu aisément dissimuler sa présence en URSS, état totalitaire et fermé, c'était quand même plus difficile aux États-Unis, où son éventuelle découverte ou son utilisation par la CIA aurait provoqué un immense scandale. Ouais. Alors, les soviétiques lancent la chasse? Oui, et comme très souvent dans ce genre de cas, ils délèguent. Ah bon? À qui? Aux Tchèques, qui ont noué de fructueuses relations commerciales avec l'Amérique du Sud. Parce qu'à Moscou, on sait déjà qu'ils se trouvent en Amérique du Sud. Assez vite, oui. Et d'ailleurs, à part dans un pays arabe, où pouvait aller Müller? Là-bas, en Argentine, au Chili, au Paraguay ou en Bolivie, où ça grouillait d'anciens nazis qui avaient d'ailleurs constitué de véritables colonies. Mais encore fallait-il le repérer, hein? Les Tchèques ont mobilisé plus d'une centaine d'agents dirigés en personne par Rudolf Barak, le chef de leur service secret. Des Hongrois, des Allemands et des espions parlant espagnol participent à l'opération. C'est dire l'importance que Moscou apporte à cette affaire. Ouais, mais quand même une centaine d'agents, ça n'attire pas l'attention. La plupart bénéficient d'une couverture commerciale à cause des bonnes relations d'affaires que les Tchèques entretiennent avec les pays d'Amérique du Sud. Et bien que Müller bouge beaucoup, au bout de plusieurs mois, ils finissent par découvrir l'une de ces planques près de la frontière argentino-paraguayenne. Après un minutieux et discret repérage, les Tchèques observent que l'ancien chef de la Gestapo fréquente régulièrement un café. L'affaire est rondement menée et sans violence. Il faut quand même me raconter. Hein. Les Tchèques attendent que le nazi soit seul dans ce bar. Il faut faire vite, car des amis vont peut-être le rejoindre. Un petit groupe d'agents entre dans le café. L'un d'eux doit distraire l'attention de Müller, tandis qu'un autre introduit une drogue dans le verre qu'il est en train de consommer. Et dès qu'il commence à tituber, le nazi est sorti du café et poussé dans une voiture. Un peu plus loin, un médecin lui fait une piqûre de somnifère. Puis il est enfermé dans une caisse d'emballage, rapidement transporté jusqu'à un aérodrome, où attend un avion tchèque, direction Prague. Ouais, c'est parfaite réussite cette opération. Hein. Mmh. Et alors une fois en Tchécoslovaquie? Müller est immédiatement conduit dans une prison où il est mis au secret. Mais il refuse de parler aux Tchèques. Il ne veut avoir de contact qu'avec les soviétiques. Et effectivement, Korotkov, l'homme qui a autrefois remplacé Abakoumov, lui rend visite dans sa cellule. Pour l'interroger? Vraisemblablement. Afin d'essayer de savoir ce qu'il avait pu dire et faire pendant sa cavale sud-américaine. Mais je n'en sais pas plus, car la suite est très confuse. Confuse, c'est-à-dire? Un transfuge tchèque a affirmé plus tard qu'en 1962, Müller était toujours en prison à Prague. Mais selon d'autres rumeurs, l'ancien chef de la Gestapo aurait été étranglé par des codétenus. Ouais. Une exécution déguisée? À mon avis, oui. Car les soviétiques n'avaient plus besoin de lui. Et d'autre part, le remettre en liberté semblait impossible. Après tout, ils avaient déjà été échaudés une fois. Non, le mieux, c'était que Müller disparaisse avec ses petits secrets et ses crimes monstrueux. Si un jour les archives de l'ex-URSS s'ouvrent vraiment, on saura peut-être la vérité. À la fois sur l'ampleur de la trahison de Müller et de Bormann et sur le sort qui a été réservé à l'ancien nazi. Il me faut ajouter que cette version de l'enlèvement de Müller a été rapportée à peu près dans les mêmes termes par Rudolf Barak, ancien chef des services tchèques et ex-ministre de l'Intérieur, à Pierre de Villemarais dans les années 90. Au soir de sa vie, mourant, Barak a décidé de libérer sa conscience. Je laisserai la conclusion à Gilles Perrault, auteur d'un magistral ouvrage sur l'Orchestre Rouge. Ayant l'un des premiers émis l'hypothèse de la trahison de Bormann et Müller, il s'interroge. Après avoir écrit que publier la trahison d'un Bormann ou d'un Müller permettrait aux néo-nazis de lancer une campagne du style coup de poignard dans le dos pour expliquer la défaite, il poursuit. Ni l'un ni l'autre n'a fait partie des chefs historiques du Troisième Reich. Le peuple les ignorait et ceux qui les connaissaient n'avaient pour eux que haine et mépris. Il serait donc tentant pour les nostalgiques du nazisme d'en faire les boucs émissaires de la défaite et de proclamer que, sans ces deux maudits, les purs eussent conduit le Reich à la victoire. S'ils étaient entendus, cela impliquerait un singulier manque de maturité politique de la part de leurs compatriotes, car l'important n'est pas que Bormann et Müller aient ou n'aient pas trahi, que leur trahison ait ou n'ait pas contribué à la défaite allemande. L'important, c'est que le nazisme était ce régime où des hommes tels que Bormann ou Müller pouvaient accéder à des postes d'importance vitale.